et bienvenue à la conférence du mois de Daniel Cam du 16 mars 1986. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si automatiquement vous avez des questions, écrivez-les sur papier, amenez-les en avant. Ça va aller un petit peu plus vite pour les réponses. Moins de danger des oubliés. Récemment, je me posais moi la question à propos des films. Il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment. Des films qui semblent avoir une certaine teneur en ésotérique. Moi, j'aimerais savoir par rapport à Daniel. J'ai fait une liste. On va commencer à voir si les films peuvent être amenés par l'intelligence ou si ça reste le côté de l'astral. Alors, la question, c'est si l'intelligence supramentale aurait quelque chose à voir avec les nouvelles productions ou avec la manipulation des producteurs et réalisateurs de films qui sont projetés un peu partout dans le public aujourd'hui. L'art, ART, a toujours été un véhicule qui a servi les intelligences supramentales ou l'intelligence supramentale si elle est suffisamment éloignée de la planète Terre. Parce qu'il faut savoir que l'intelligence supramentale, lorsqu'elle se rapproche de la planète Terre, devient des intelligences supramentales. Et lorsque les intelligences supramentales se rapprochent de l'homme, elles constituent une humanité. Alors, les intelligences supramentales se servent effectivement de tout ce qui est relié à l'art pour essayer de passer des messages, c'est-à-dire, en réalité, pour instruire l'humanité. Il faut aussi comprendre que les mécanismes de l'art ont très rapidement servi les forces d'involution, les forces astrales, parce que celles-ci ont appris, dès le début, à se servir du même média que l'intelligence, l'art. Chaque fois que l'intelligence arrive au niveau matériel à se servir de quelque chose, d'un outil ou d'un moyen pour instruire l'homme et la femme, les énergies astrales vont copier quelque temps après et vont se servir des mêmes outils. Et c'est pourquoi l'homme a besoin d'arriver à un discernement. C'est pourquoi l'homme, la femme, l'être ancien, ne peut réellement pas se permettre de dire que dans l'art, il y a de la spiritualité, il n'y a rien de satanique. On ne peut pas, au niveau planétaire, décider que quelque chose est intelligent et que quelque chose ne l'est pas. Parce que lorsqu'une chose est intelligente dans l'expression au niveau planétaire, elle est automatiquement copiée par les forces astrales qui vont essayer de se servir du même outil ou du même véhicule pour exprimer l'inintelligence sous la forme de l'intelligence. Tout à l'heure, au début des ateliers, je parlais de la terminologie « être nouveau », qui de plus en plus a tendance à être plagiée par les forces astrales pour essayer de faire croire au reste de l'humanité ou aux êtres transitifs que ce qu'ils faisaient avant est tout à fait digne de l'être nouveau. Alors, lorsqu'une personne allait se faire tirer aux cartes, aujourd'hui, dans la terminologie d'être nouveau, cela fait partie de l'être ancien. Et on comprend l'utilité chez l'être ancien de se faire tirer aux cartes. Mais on en voit l'inécologie au niveau de l'être nouveau. Alors, les tireurs de cartes disent maintenant que l'être nouveau sait ce qu'il veut. Et il sait que le tirage de cartes est bon, alors il va se faire tirer aux cartes. Et plus cela va aller, plus la terminologie adaptée à l'être nouveau va servir pour charrier les messages de l'astral collectif. Alors, il en est de même pour l'art. Si par la peinture, on arrive à exprimer l'intelligence, alors par la peinture, on va aussi arriver à exprimer l'astral. Si par les journaux, si par les écrits, on arrive à communiquer l'intelligence, alors par ces mêmes mécanismes, on arrivera à exprimer l'inintelligence, l'astral. Au niveau de la pellicule, au niveau des films, au niveau de la cinématographie, on s'est toujours servi de cette forme d'art pour exprimer, pour essayer d'enseigner l'homme. Alors évidemment, on s'en est servi au niveau pour faire de la propagande pendant la guerre mondiale, par exemple, et continuellement aujourd'hui. On s'en sert pour passer des messages d'ordre spirituel, et on s'en sert aussi pour préparer l'humain à accepter des événements très prochains dans l'avenir. On se sert de la pellicule pour expliquer à l'homme et à la femme et à l'enfant que certains dangers sont inhérents à son existence, que certains avenirs sont déjà cristallisés. Et on s'en sert aussi pour les préparer à accepter de nouvelles choses, pour accepter de nouveaux points de vue. Alors, par la pellicule, on manipule l'humain. Par la pellicule, on manipule l'homme collectif. Trois formes de films vont donc apparaître sur nos écrans. Le premier sera un film totalement manipulé par les intelligences supramentales qui, à l'insu du réalisateur, vont obliger celui-ci à communiquer un message. Le deuxième va être un film qui va être constitué par la lecture dans l'astral de phénomènes intelligents, mental ou supramental astralisés, donc d'un travail déjà en application ou déjà en constitution applicative, et ce réalisateur, à son insu, va exprimer ce mécanisme dans son film. Et la troisième sorte de pellicule va être celle où le réalisateur, le producteur, va être manipulé par les forces astrales, donc spirituelles en descendant, pour essayer de rallier, de ramener l'être qui tend à être nouveau et à s'individualiser à l'ensemble collectif régi par les esprits ou par les forces, pour être plus précis, sataniques. Trois formes de pellicule. L'une qui prépare l'humanité à quelque chose qui est en train de s'instaurer. L'une qui plagie ce que certains êtres humains sont déjà en train d'appliquer. Et l'autre qui essaie de récupérer la masse afin que la masse ne se dirige pas vers les deux premières formes de pellicule. Alors, l'intelligence supramentale va manipuler autant l'écrivain que le réalisateur. En parlant d'écrivain, on a un écrivain qui a écrit un certain livre, une série de livres, disons, mais une collection qu'on appelle Dune. Peux-tu parler un peu de l'écrivain, parler du film? Qu'est-ce qui s'est passé, disons, ou qu'est-ce qu'il montre durant le film? Dans quelle catégorie qu'on va le placer? Bon, alors on va parler des films. Je vais donc accepter aujourd'hui d'élaborer sur certains films ou sur certains auteurs pour essayer de vous faire comprendre que ce qui se passe au niveau collectif peut avoir d'énormes, disons, peut aider d'une façon assez formidable l'être transitif qui chemine. La condition pour qu'une pellicule ou un livre puisse être utile à un être transitif qui chemine, c'est que celui-ci doit en voir l'application présente ou à venir. Vous devez pour cela comprendre la faculté qu'aurait un écrivain ou un réalisateur d'aller puiser dans des mécanismes intelligents. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, un auteur de film ou de livre peut avoir la faculté de le transcrire sans lui-même le comprendre. Et vous, lisant ce livre ou voyant ce film, si vous avez la faculté d'être attentif, ce que vous n'auriez pas pu comprendre, vous pouvez peut-être le comprendre par le biais du livre ou du film. On peut presque dire que certains réalisateurs ou auteurs deviennent, par le fait même, des ajusteurs collectifs, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à l'intelligence supramentale, mais d'une façon inconsciente. Il faut faire attention parce qu'étant donné qu'ils sont reliés d'une façon inconsciente, un jour ils créent de l'intelligence, un jour ils créeront de l'absurdité. Alors, on ne doit pas accréditer un réalisateur ou un auteur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas accréditer tous les films ou tous les livres qu'il va faire, par le fait même qu'un jour, il en a écrit un bon. Ce ne sera pas le même mécanisme pour n'importe quelle lecture ou n'importe quelle conférence. Pour n'importe quoi. Exactement. Quelqu'un qui écrit 100 livres mauvais peut écrire un livre extraordinaire. Celui qui écrit 100 livres extraordinaires peut en écrire un mauvais. Le fait d'accréditer tous les écrits parce que c'est tel auteur qui les a écrits serait faire preuve d'irréalisme tout à fait typique de l'être ancien. Le livre ou la série de livres reliés à Dune, pour ceux qui n'ont pas lu, on peut se les procurer. Pour ceux qui ont lu, on va pouvoir comprendre certaines choses. C'est la matérialisation écrite de phénomènes qui vont et qui se passent déjà présentement et qui vont se passer au niveau de l'humanité. Mais il faut comprendre que Frank Herbert a été coloré par sa propre émotivité et qu'il a aussi été coloré par la censure astrale qui l'a obligé à adapter ce savoir insu de façon à ce qu'il puisse être publié. Si on regarde le livre « La cosmogonie d'Urantia », qui à elle seule compte énormément de choses réelles et de choses fausses, elle a été censurée pendant longtemps. La série de Dune, elle chemine à l'intérieur de beaucoup de personnes qui font le PMC depuis que le PMC a été instauré, pour la simple raison que plusieurs personnes ont vu à l'intérieur de cette série des relations avec le programme Maître Contrôleur. Alors évidemment, si Pierre me pose la première question sur le film et sur le livre Dune, c'est sans doute parce que lui aussi a vu des relations entre ce qui a été écrit dans ce livre et ce qui se passe au niveau même du centre de l'universalité. La seule différence, c'est que plusieurs choses ont été mélangées au niveau du livre. Alors dans ce livre, on parle de guerre cosmique, on parle de guerre de famille, on parle de guerre héréditaire. On parle aussi de l'importance de la génétique dans un plan conçu par le Ben Jesri qui essaie d'élaborer à travers une filtration génétique, qu'il essaie d'élaborer la constitution d'un corps humain qui aura la faculté d'avoir toutes les qualités de l'humain sans en contenir un seul des défauts. Donc, ce clan de sœurs, car ce sont des femmes, vont essayer de constituer un homme, un mâle, qui aura la faculté d'aller là où les femmes ne peuvent aller, au niveau de l'exploration du temps passé et présent. Et ses sœurs, le Ben Jesri, vont développer des méthodes d'instruction et d'éducation de niveau mental, qui pourraient se rapprocher, si on veut, du PMC, du programme Maître Contrôleur. Sauf que le Ben Jesri n'a pas la faculté de comprendre l'intelligence totale de ce qu'ils font, tandis que le programme Maître Contrôleur permet cette chose. Dans cette série, on a un héros, Paul Atreides, qui devient celui que les sœurs vont rechercher. Alors, ces sœurs ont la faculté, et donc, dans ce livre, on en voit l'intelligence écologique. Ils ont la faculté d'avoir compris que les ennemis doivent s'auto-procréer, c'est-à-dire que le prince des bons et le prince des mauvais, ou la princesse des mauvais, doit enfanter. Parce que, à travers chaque être humain, qu'il soit d'un clan noir ou d'un clan blanc, il y a des facultés qui doivent être conservées dans une lignée génétique, de façon à créer le corps d'un homme ou d'une femme qui aura cette faculté d'être partout à la fois et d'être celui qui pourra réfléchir que les qualités de l'être humain. Dans ce livre, on a une planète qui s'appelle Dune. Sur cette planète est cultivée une épice, l'épice gériatrique, donc une épice qui permet à l'homme et à la femme de vivre presque éternellement. Mais cette épice, en même temps, elle est mortelle, c'est-à-dire que lorsque l'on va en être privé, on ne pourra plus vivre. C'est une drogue. Mais la personne qui se nourrit d'épices a la faculté de voir l'avenir. Sauf que ce n'est pas une prévoyance, comme on le voit dans les écrits anciens. Elle a la faculté d'entrevoir des futurs possibles. Et si elle a suffisamment d'énergie mentale, elle choisira le bon et elle pourra s'y engager. Donc, elle exprime presque la voyance, mais c'est une voyance qui n'est plus astralisée, qui est mentalisée. À l'intérieur de ce livre, on parle aussi des mentors. Des personnes qui ont la faculté mentale d'agir comme un ordinateur, parce que dans une guerre sainte, dans une guerre religieuse, un peu avant les écrits de Dune, on a détruit tout ce qui était ordinateur parce que l'ordinateur a fini par éliminer, par ôter la faculté qu'avait l'homme de raisonner. Parce que l'homme s'en remettait à la machine informatisée. Alors, suite à une guerre religieuse, on va créer la Bible catholique orange qui réunit toutes les facultés de toutes les religions d'un univers. Et on va détruire les machines pour éduquer des êtres humains à devenir eux-mêmes des ordinateurs. Ce seront des personnes qui auront la faculté mentale d'être totalement désassujetties des plans astraux. Ces personnes, les rois astrales du livre, de la série, vont s'en servir pour pouvoir raisonner des plans d'attaque. Alors, à l'intérieur de ces livres, on a des plans à l'intérieur de plans, conçus à l'intérieur de plans. Au niveau de jeu d'échecs, ces livres sont formidables dans ce sens. Sauf qu'ils vont mélanger différentes choses. Alors, sur la planète Dune, il y a des Fremen, des Freemen, des hommes libres, qui vivent à l'intérieur du désert et qui vont être pourchassés sans pouvoir être détruits par les forces Harkonnen, c'est-à-dire par les forces noires. Ces Fremen vont devenir les alliés de Paul Atreides, et ces hommes même vont constituer la plus puissante armée parce qu'ils auront la faculté d'être instruits par un Ben Jesri. Donc, par une personne qui a la faculté d'instruire écologiquement. Ceux qui font le rapprochement avec le PMC, c'est un peu similaire. Ces personnages ont une condition physique qui est relativement bonne, même très bonne. Ils ont différentes facultés que le reste de l'humanité a oubliées parce que le reste de l'humanité n'est plus dans un cadre de survie, tandis que les Fremen sont dans un cadre de survie qui les oblige à devenir des humains vrais. Avec ses ordres de guerriers, Paul Atreides va conquérir tous les univers, instaurant partout dans les univers une religion, la sienne. Paul Atreides refuse pourtant un avenir. Et cet avenir, il le refuse tant et si bien qu'il fuit. Il devient aveugle suite à une explosion nucléaire, mais malgré son handicap physique, il a la faculté, dans ce livre, d'avoir une préscience, c'est-à-dire qu'il est capable de vivre dans le futur qu'il a constitué, dans le futur qu'il a entrevu, ce qui fait qu'il sait avant même que cela se concrétise matériellement, ce qui va arriver. Paul disparaît dans le désert, laissant en arrière de lui deux enfants, une fille et un garçon. Le garçon va accepter le rôle que Paul a refusé. Il va devenir lui-même un immense ver, c'est-à-dire qu'il va accepter, suite à des mécanismes de mutation biologique à l'échelle de Dune, de devenir celui qui va créer les pistes gériatriques, un ver des sables. Ce fils va devenir donc un ver. Après quelques milliers d'années, et il instaurera de force à l'échelle de l'univers une paix, la paix de l'auto. Une paix que l'humanité va se souvenir parce que l'humanité va haïr la paix. Parce qu'après des milliers d'années de paix, l'auto va disparaître. Et l'épopée continue donc de milliers d'années en milliers d'années. Ce que Frank a voulu écrire, il ne l'a jamais su. Il a été contacté par des énergies supramentales qui lui ont permis d'envisager dans un roman l'expression de choses qui vont arriver à l'échelle planétaire et à l'échelle cosmique, mais en colorant, de façon à ce que ce ne soit pas une cristallisation d'un futur possible. Le Ben Jesri ne sera pas féminin, sera bisexuel et ne portera pas ce nom. Et il y a plusieurs mécanismes à l'intérieur de cette série de romans qui ne sont pas tout à fait comme ils ont été écrits. Alors, c'est au lecteur mental d'arriver à en décoder les bonnes choses. Frank Herbert a aussi écrit deux autres livres, L'incident Jésus et Lazare. Alors, lui, totalement ignorant des mécanismes même de la faculté de Lazare de se muter en comte de Saint-Germain et la faculté que lui-même avait de ne pas savoir, mais de transcrire ce qui a pu se passer au niveau de Jésus, de l'incident Jésus. Donc, deux autres livres que ce bonhomme a écrits sans même savoir ce qu'il faisait. L'intelligence supramentale se sert de certains auteurs, de certaines personnes sensibles à l'intelligence pour pouvoir communiquer aux autres ce que les autres n'ont pas encore la faculté de percevoir. Le film Dune, qui a été un fiasco, n'a pas pu sortir. Ils ont tenté pendant des dizaines d'années de faire ce film. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps. Le film est sorti dernièrement et il est raté. En ce sens que tout ce qui a été intelligemment transcrit par les livres n'a pas pu être recopié par le film. Alors, voilà ce qu'il y en a du film. Et vu qu'on... Disons que dans Dune, tu parlais qu'il y avait une espèce, disons, d'épice, on sait tout que ça devient une drogue. Bon, étant qu'on est écrivain, j'ai une question à propos d'un écrivain. Dans quelle catégorie d'écrivain tu places Carlos Castaneda? On sait qu'il a fait beaucoup d'expériences avec des drogues. Carlos Castaneda est une personne qui a été hautement manipulé par les plans spirituels de la planète Terre. Il a même été manipulé pendant un certain temps par Satan. Carlos, à son insu, a servi les forces sataniques, c'est-à-dire les forces collectivantes de l'humanité. Donc, à son insu, Carlos a expérimenté tout ce qui pouvait amener l'homme à être plus bas. Sauf que la faculté biologique que possédait son corps a fait en sorte qu'à un moment donné, il est entré en contact avec une intelligence supramentale, toujours à son insu, donc d'une façon inconsciente. Et cela l'a amené à fuir totalement ce qu'il avait déjà commencé à instaurer au niveau d'enseignement. Alors, il a fui après avoir vanté la drogue. Il a perdu ses maîtres après les avoir quittés. Et lentement, il est devenu un personnage qui, toujours à son insu, a fini par exprimer de l'astral supramental ou du supramental astralisé. Carlos Castaneda n'a rien à voir avec les écrivains de films ou de livres d'ordre initiatique. C'est un bonhomme qui a cheminé et qui a écrit dans son cheminement. C'est un bonhomme qui aujourd'hui est peut-être un peu plus fiable qu'il a été. Il avait un travail fondamental à faire et c'est l'un des précurseurs inconscients, c'est-à-dire que c'est l'un des personnages qui arrivera dans son temps, un peu avant la collectivisation de l'humanité à l'énergie supramentale. Alors, Carlos, c'est une personne qui ne peut pas comme tel servir de guide fiable, pour la simple raison qu'il a encore énormément de particularités astrales à éliminer. Et c'est une personne, on pourrait dire, si on veut parler au niveau d'être ancien, que Carlos Castaneda n'est pas un initié, mais il est un initiable. Il avait la faculté de s'en sortir et par le fait même, il est parti très bas. Parce que celui qui a la faculté de s'en sortir, sur lui, on va s'acharner. Alors, on le part bas. Carlos Castaneda est parti extrêmement bas. Il est présentement rendu dans un niveau relativement élevé. Il va poursuivre son cheminement, il va s'en sortir aussi. Tous les premiers écrits de Carlos ne sont pas des écrits à retenir, sauf si on a la faculté de discerner le travail astral à l'intérieur du travail supramental dans ses écrits. Dans les films, il y a certains films qui ont, disons qu'au lieu de faire le film avec des vrais personnages, on a fait des bandes dessinées. Disons, j'en ai deux qui me viennent en mémoire. Il y a le Cristal Magique et le film qui a été fait avec Le Seigneur des Anneaux. Le livre Le Seigneur des Anneaux est un autre livre un peu dans le genre de Dune, c'est-à-dire que c'est un livre qui compte un ramassis de mythologie, de légende, mais qui en fin de compte exprime dans une saga l'expérience réelle de toutes les forces belzébuthiennes, donc des forces de Hobbit, de lutins, de farfadets, et de tout ce qui, à l'insu de l'homme, habite la planète Terre dans une forme illusoire d'évolution. Le film Le Seigneur des Anneaux est un autre fiasco, pour la simple raison qu'il n'y a ni début ni fin à l'intérieur de ce film, qu'on en projette une partie des livres. Il est donc difficile à comprendre pour une personne qui n'a pas vu, malgré que le film techniquement soit de très haute classe. Au niveau de l'histoire, il est encore une fois préférable de lire les livres et en commençant par Bilbo le Hobbit. En ce qui concerne le Cristal Magique, c'est un film qui amène l'homme, ne prépare pas l'homme, mais instruit l'homme. C'est un film de haute classe ésotérique qui instruit l'homme du travail relié, de l'interrelation écologique entre les forces noires et les forces blanches. Alors, on a l'exercice. On a une force noire qui essaie de conquérir le monde parce qu'à l'origine, un cristal a été détruit. On a les forces blanches qui sont l'antipode interrelié aux forces noires qui, eux, vivent en paix. Et à l'intérieur de ces deux personnages, les blancs et les mauvais, on se rend compte dans ce film qu'il y a, par exemple, 21 personnages mauvais et 21 personnages bons. Chaque fois qu'un personnage mauvais meurt, un personnage bon disparaît, parce que les deux sont reliés, et lorsque le cristal sera reconstitué, le bon et le mauvais, le bien et le mal, se réintégreront ensemble pour constituer quelque chose d'autre qui sera au-delà de la synthèse, de la thèse et de l'antithèse. On a les Gulflind qui viennent s'interposer entre le bien et le mal. Et le héros, d'ailleurs, les deux héros du film sont deux Gulflind, un mâle et une femelle, un jeune garçon et une jeune femme, Gulflind, qui, eux, vont arriver, au risque de leur vie, à reconstituer le cristal magique. C'est donc un film initiatique au niveau de ce qui se passe cosmiquement, qu'est-ce qui constitue le mal et le bien. Lorsque j'ai parlé que le comte de Saint-Germain était celui qui contrôlait les bordels et celui qui contrôlait aussi les anti-bordels, c'est-à-dire que c'était un bonhomme qui contrôlait et le mal et le bien sur la planète Terre, c'est lui qui canalise les forces d'armement et c'est lui qui canalise les forces de désarmement, c'est lui qui canalise les guerres et les forces de paix, pour la simple raison que lorsque l'on contrôle le bien et le mal, on contrôle tout. Dans ce film, c'est un peu ce genre de manipulation cosmique qui va être exprimée, à l'insu, évidemment, de l'auteur. Pourquoi on n'a pas pris de personnages réels? Ça a beaucoup plus de puissance dans des marionnettes et dans des décors tout à fait féeriques qu'on va rencontrer dans le film Le Cristal Magique. Ce film a donc la faculté d'instruire au niveau de ce qui constitue le bien et le mal dans le monde duel de la planète Terre. On doit comprendre, et on doit le comprendre, que lorsque vous regardez quelque chose de mal, il faut bien savoir que c'est un esprit comme le vôtre qui s'exprime dans un véhicule différent pour permettre un cadre d'évolution particulier amenant une expérience salutaire particulière. Et dans ce film, c'est un peu ce que l'on dénote. Les bons ne veulent pas tuer les mauvais, parce que eux savent que chaque fois qu'un mauvais meurt, un bon disparaît. Mais eux autres s'en foutent. Les Golflint ne le savent pas. Les Xerxes non plus. Les mauvais. Eux veulent tuer. Chaque fois qu'eux vont arriver à tuer, un des leurs meurt. Et le film commence d'une façon assez originale, parce que c'est tout va bien au niveau des méchants, sauf qu'aujourd'hui, c'est un jour de tristesse, parce que le chef, le roi des méchants, est mourant. On coupe et on nous amène chez les bons. Tout devrait aller bien chez les bons, sauf qu'aujourd'hui, c'est un jour de tristesse, parce que le chef des bons est mourant. Et c'est continuellement comme ça au niveau du film. C'est un film qu'on doit observer avec de grands yeux, parce que lorsqu'un mauvais meurt, on nous montre lentement les bons qui cheminent vers le cristal, et soudainement, à travers les bons qui cheminent, l'un des bons disparaît. Toutes les bons se retournent pour regarder, reviennent en avant et continuent. C'est bourré de phénomènes ésotériques que la masse ne pourra pas comprendre, mais qui, à l'insu de la masse, instruisent dans leur inconscient le fait que tout ça est relié. On a parlé un petit peu de légende. Je reviens de la légende du roi Arthur. Il y a deux phénomènes qui apparaissent, le phénomène du Graal et le phénomène d'une épée qui s'appelait Excalibur, dont on a fait un film appelé Excalibur. C'est quoi les phénomènes, disons? Que représentent l'épée et le Graal? Il y a le mage Merlin et le roi Arthur aussi, qui sont des symboles différents. En ce qui concerne le film Excalibur, il a été écrit par un bonhomme qui a su canaliser toute la légende du roi Arthur et la fondation de la table ronde, des chevaliers de la table ronde, de Lancelot, qui est un symbole de tous ces mécanismes, mais d'une façon tout à fait régie par l'intelligence supramentale pour permettre la réinstruction de tout ce qui se passe au niveau des forces belzébuthiennes, encore une fois. Excalibur est un film relié à Belzébuth et à toutes les forces belzébuthiennes. Les forces planétaires, les forces naturelles, celles qui un jour devront devenir les alliés de l'homme et de la femme nouvelle. La sixième race mère va être constituée sous l'égide de Belzébuth, c'est-à-dire des forces naturelles belzébuthiennes, qui devront avant tout être désassujetties des forces sataniques et lucifériennes. Dans le film Excalibur, on a un apogée presque réel de toutes les symboliques ésotériques que l'on a pu reconstituer à travers l'évolution de l'humanité d'aujourd'hui en descendant jusqu'à bien avant l'Angleterre. Excalibur, l'épée est la force même de Belzébuth, la force naturelle qui aura été régie et qui aura su être, disons, connue par le mage Merlin, qui est le seul fou au monde de l'époque à s'être lui-même fait une opération au niveau du cerveau. Le mage Merlin est l'apparition première d'Excalibur, et il est surtout l'apparition première de Belzébuth avant même que celui-ci daigne se présenter au niveau de l'Angleterre sous forme animale, tel qu'il va être connu par la suite. Lorsque les forces belzébuthiennes vont créer l'épée Excalibur, donc une épée vibratoire qui aura le contrôle sur tout ce qui est matériel et qui aura donc la faculté de diriger la main du combattant, à la condition que le combattant soit un être écologique, donc en harmonie avec les forces belzébuthiennes. Lorsque le père du prince Arthur, veut avoir l'épée, il est continuellement assujetti par les forces sataniques qui tiennent à continuer à obliger les rois de l'époque, les princes, les cousins, les frères, à s'entretuer de façon à créer une nourriture émotive pour les forces sataniques. Alors les forces collectivantes de Satan vont régir le plan évolution de l'Angleterre pour constituer des guerres atroces à ne plus en finir. Excalibur vient s'en mêler, mais il doit être tenu. Il pourra être sous la garde d'un roi qui aura la faculté d'écologier, c'est-à-dire de rendre écologique toute l'Angleterre pour que les guerres cessent, de façon à ce qu'on crée un cadre, une royauté, un royaume qui pourra être mentalement écologique où on ne verra plus de guerre et de tuerie. Alors il demande à Merlin de lui permettre de rencontrer physiquement, donc de coucher, de faire l'amour avec la femme de son frère, de son cousin, donc avec la femme de son pire ennemi. Merlin ne veut pas, mais il se rend compte que le roi qui porte Excalibur est totalement fou, totalement manipulé. Excalibur doit donc lui être ôté. Excalibur est donc dans le film, on dit que c'est une épée qui date et qui a été créée au début des temps. Au début des temps a été créée l'énergie vitale, donc l'énergie éthérique planétaire, la coloration ou l'ombre de l'énergie éthérique supramentale pour constituer la matière. Excalibur étant le symbole même vivant de l'éthérique, donc de Belzébuth, il ne peut avoir été créé qu'au début des temps. Non pas sous forme d'épée, mais dans la légende, il prend le symbole de l'épée. Le symbole de l'épée qui est celui qui tranche, qui est aussi la force spirituelle dominant la matière et qui est aussi la force de la transformation, de l'adaptation, étant donné que c'est un symbole 4, un symbole matériel, parce qu'il a 4 extrémités, une épée à 4 extrémités. La pointe, le manche et les deux bouts de la garde. Donc, symbole matériel, symbole des forces vitales, symbole belzébuthien, symbole d'adaptation, symbole de transformation, symbole d'évolution. Lorsque Merlin accepte, il fera sortir le dragon, une concentration massive d'énergie vitale terrestre, chose qu'un jour l'être nouveau saura contrôler et manipuler, et il permettra l'enfantement, la création d'un enfant, un mélange génétique donc entre les deux opposés ennemis, et cet enfant sera remis dans les mains de Merlin lorsqu'il aura été accouché. Mais le père va mourir, tué. Il plante Excalibur dans une enclume. Dans le film, il la plante dans une roche. La symbolique est presque la même. L'enclume étant là, l'outil parfait où on va forger la matière par le feu. Donc, initiatiquement, ce qui veut dire l'outil qui va représenter symboliquement l'initiation par le feu. Dans la roche où l'épée va être plantée, c'est dans l'énergie terrestre, donc dans l'énergie belzébuthienne, ce qui est un peu la même symbolique. Le bonhomme va mourir et par la suite, différents rois, différents princes vont venir. Parce que Merlin a dit, celui qui retirera l'épée de ce roc sera roi. Tous vont venir, tous reliés par les forces sataniques vont venir retirer l'épée. L'épée qui est manipulée par les énergies éthériques planétaires, donc par les énergies belzébuthiennes, est tout à fait manipulée aussi par les énergies éthériques extraplanétaires, donc par l'intelligence supramentale. Ce qui fait que même si Satan, normalement, dirige Belzébuth, l'épée restera dans le roc. Lorsque Arthur, adolescent, valet de son frère chevalier, va perdre l'épée de son frère chevalier, il va trouver l'épée dans le roc, alors il va la retirer pour la remettre à son frère. Évidemment, le public, le peuple, verra dans ce fait que Arthur retire l'épée, alors qu'on pensait qu'un chevalier devrait être roi, c'est un valet qui va devenir roi. L'épopée va amener le roi Arthur à rencontrer un prince blanc, Lancelot du Lac, qui va défier tous les chevaliers et qui va les battre, parce que lui va mettre son épée au service d'un homme qui saura le battre, parce qu'il est convaincu que seul un cœur pur pourra le battre. Lancelot est dirigé par les hautes forces spirituelles planétaires. Il est donc le représentant du Dieu, du ciel, dans le contexte planétaire. Et seules les énergies belzébuciennes pourront arriver à le battre, cela va de soi. Alors, lorsque le roi Arthur va venir se battre contre Lancelot, il va se battre d'une façon astralisée, c'est-à-dire qu'il va maudire Lancelot de lui barrer le chemin. De ce fait, se battant, il brise Excalibur et bat Lancelot. Regrettant, parce qu'il voit ce qu'il a fait, Excalibur va être reconstitué et va lui être remis. Tout le film est une saga vers la quête du Graal. Graal, la coupe dans laquelle le sang du Christ a été ramassé par un bonhomme lorsque un soldat aurait lancé une lance dans le foie, donc dans les côtes du Christ, du Nazaréen. On sait que par la suite, entre Excalibur et Lancelot, il manque une puissance pour que l'humanité, la légende étant anglaise, pour que l'Angleterre devienne un royaume divin. Il manque le Graal. Il manque les forces d'alliance entre les énergies de l'ajusteur de pensée, entre les énergies du Graal, entre ce que le Nazaréen a amené sur le plan planétaire, c'est-à-dire que le passage du Nazaréen a augmenté le taux vibratoire de l'humanité suffisamment haute pour que celle-ci puisse avoir accès à l'Esprit-Saint, donc à l'énergie supramentale, c'est-à-dire à, de prime abord, à l'ajusteur de pensée. Entre les énergies de Lancelot hautement spirituelles et les énergies belzébuciennes, donc on a présentement dans cette épopée les énergies physiques, les humains, les énergies belzébuciennes, le plan vital, Excalibur. On a les énergies divines, spirituelles, astrales, dans Lancelot du Lac et dans le phénomène même de la table ronde, les chevaliers de la table ronde. Il manque l'énergie mentale, supramentale, il manque le Graal. Alors tous vont se mettre en quête du Graal, mais la sœur d'Arthur, celle qui est née de l'ennemi du père d'Arthur et de sa mère, parce que sachant qu'Arthur est né de la mère, lorsque le père d'Arthur a réussi à coucher avec la femme de son ennemi, elle avait déjà une fille. Elle est donc la demi-sœur d'Arthur. Celle-ci va devenir une sorcière parce qu'elle va réussir à convaincre Merlin de lui enseigner les mots magiques, Hanal, Graal, etc., pour lui permettre d'avoir un contrôle sur les forces belzébuciennes. Celle-ci va avoir aussi un enfant qui va être celui qui va tuer tous les chevaliers de la table ronde, et cette femme va avoir la faculté de savoir où est le Graal sans même le posséder. Elle va être capable, par les énergies dragoniennes, donc par les énergies belzébuciennes telluriques, d'empêcher les chevaliers de trouver le Graal. Perceval, qui va être un valet, qui, lorsque Lancelot sera perdu dans la forêt, parce qu'il aura perdu dans une lutte contre lui-même, et lorsque Perceval, le valet, va vouloir défendre, devenir le héros de la dame, de la reine, il va devenir chevalier. Il se trouve que dans la légende, c'est Perceval qui va réussir à découvrir le Graal, donc encore une fois, non pas un chevalier, mais un simple valet. Qu'est-ce que cette légende enseigne à l'humanité? Et c'est un film extraordinaire de par sa violence tellurique. C'est un film vivant, un film beaucoup plus réel que la majorité des autres films ésotériques. L'homme biologique a besoin d'Excalibur, de l'énergie vitale, donc de Belzébuth, l'écologie. Il a besoin de Lancelot, le prince blanc, le roi des chevaliers de la table ronde. Et il a besoin du Graal, de l'énergie mentale astralisée et de l'énergie mentale supramentalisée. Ce film est donc une épopée et va constituer les bases même de la création de l'Angleterre. Maintenant, l'Angleterre, évidemment, est une expression colorée d'un des premiers royaumes. Qui aurait pu voir, d'ailleurs, l'épopée même d'Excalibur a été créée par un bonhomme dans les 1200, et il a été réénergisé, c'est-à-dire dans les 1200, il a été constitué pas mal avant, dans le temps même de Jésus-Christ, par le comte de Saint-Germain. C'est lui-même, d'ailleurs, qui va avoir inventé tout le mécanisme de Guillaume le Conquérant et d'Excalibur, de Lancelot, du roi Arthur et de toutes ces choses. C'est un film totalement... Le film est mieux fait que tout ce qu'on peut trouver comme écrit. Chaque minute du film est une leçon sur les plans cosmiques d'évolution. Ce n'est pas un film préparatoire. C'est un film d'instruction. Tu parles de films d'instruction et de films préparatoires. Dans les films que toi, tu as pu voir, Y a-t-il des films que tu places dans les dans la catégorie préparatoire? Les films préparatoires, on a E.T. On a Cocoon. On a La Guerre des Étoiles et la trilogie. On a Le Maître du Jeu. On a il y en a plusieurs autres que je pourrais te sortir. Galactica, etc., etc. C'est une liste de films, lis-moi là, je vais te dire lesquels qui sont préparatoires, parce que sinon, on va passer l'après-midi à en donner. Oui, que j'ai, disons, j'ai certaines listes. Vas-y, je vais te dire s'ils sont préparatoires ou s'ils sont instructifs. Instructifs. Ils peuvent être les deux, soit dit en passant. Un film préparatoire est automatiquement instructif, tandis qu'un film instructif n'est pas nécessairement préparatoire. Donc, je vais recommencer. On a quand même parlé de certains titres. Le Cristal Magique. C'est un film instructif. Dune. C'est un film préparatoire. Seigneur des Anneaux. C'est un film instructif. Coco. C'est un film préparatoire. L'Âge du Cristal. C'est un film instructif. Galactica. C'est un film préparatoire et instructif. La série de Guerre des Étoiles. Préparatoire. La série de Vie. Ou V. V, préparatoire, mais constitué par les forces sataniques. La série Patrouille du Cosmos. Instructif et préparatoire. Le dernier film, surtout. Ouais. Le Cercle de Fer. Le Cercle de Fer, c'est un film instructif. Le Cercle du Pouvoir. Instructif. Maître du Jeu. Préparatoire. Excalibur. Instructif. E.T. Préparatoire. Rencontre du Troisième Type. Préparatoire. La Guerre du Feu. Instructif. Le Dernier des Starfighter. Préparatoire. Le Retour vers le Futur. Préparatoire. Jonathan Le Goéland. Instructif. Forteresse Noire. Instructif. Bandit. Instructif. Android. Préparatoire. Poltergeist. Instructif. Exorciste. Instructif. La série Kung Fu. Instructif. Indiana Jones. Préparatoire et instructif. Le film Le Jour Après. Préparatoire. Série d'émissions Alerte dans l'espace. Préparatoire. Cosmos 1999. Préparatoire. Et un film, disons que j'ai le titre en anglais, là, Dreamscape. Préparatoire. C'est la série de films que j'avais. Bon. De quelle façon un film est préparatoire, de quelle façon un film est instructif? La différence. Si on regarde les films Rencontre du Troisième Type, Cocoon, E.T., V, ces films sont préparatoires parce qu'ils préparent l'humanité à accepter un jour la venue d'extraterrestres. Dans certains films, l'extraterrestre meurt, on pleure. Danger. Dans certains films, l'extraterrestre vient et aide. Danger. Dans certains films, l'extraterrestre vient et nuit. Danger. Ce sont des films préparatoires. Cocoon est un film d'extraterrestre, mais c'est sans doute le film le plus ajusté au niveau des énergies intelligentes, pour la simple raison qu'il donne l'explication d'un travail d'êtres de lumière supramental, ce qui n'a rien à voir avec les êtres de lumière déchus dont certains conférenciers ont déjà parlé. Mais, évidemment, c'est d'une façon extrêmement astralisée. Alors, dans ce film, on explique l'utilité de l'énergie vitale dans une piscine. On démontre dans ce film la faculté merveilleuse chez l'homme ancien que peut avoir l'énergie vitale. Parce que dans ce film, on a des extraterrestres, des vestiges de l'Atlantide, mais ce n'est pas vrai dans la réalité des choses, mais disons que c'est un film coloré, qui vont venir ramasser des cocons dans lesquels vont être conservés des descendants atlantes. Et ces cocons sont tellement vieillis après les milliers d'années qu'ils ont passé au fond de la mer qu'ils doivent être réénergisés, donc vitalement. Alors, ces extraterrestres vont se servir d'une immense piscine. L'eau, comme on l'a vu dans les PMC, est un très bon médiateur d'énergie vitale. On peut magnétiser un verre d'eau et le donner à quelqu'un qui est malade, alors ça va pouvoir l'aider. Dans ce film, les personnages vont magnétiser une piscine et lorsqu'ils vont retirer les cocons, ils vont les mettre dans la piscine. Mais il y a un hospice pour vieillards juste à côté, et les vieillards, il y a trois vieillards qui ont la faculté d'être un petit peu jeunes, et ils aiment faire des choses interdites. Ils ne savent rien des cocons et du magnétisme de la piscine, mais la piscine étant interdite, ils viennent s'y baigner de temps en temps. Venant s'y baigner, ils rajeunissent. Ils se sentent en forme. Alors, ce qui fait que dans l'hospice, tout le monde commence à trouver ça bizarre, parce qu'ils sortent avec les femmes, ils dansent, le breakdancing, puis tout ça. Alors, ils ont bien du fun. Ils rajeunissent. Ils rajeunissent, ils rajeunissent. Alors, à un moment donné, ça se sait. Et tout le groupement d'ailleurs se garoche en panique pour aller se baigner. Ils se baignent. En se baignant, la quantité d'êtres humains dans la piscine épuise totalement l'énergie vitale, tuant par le fait même certains cocons. Alors, on replace les cocons dans le fin fond de l'eau, parce qu'une soucoupe volante va venir chercher ces personnages-là, et on s'en va. Alors, le film lui-même est un film préparatoire à certaines réalités biologiques et biovitales qui vont être vécues par l'homme et par la femme nouvelle, mais c'est une préparation non pas pour l'être nouveau, mais pour l'être ancien. Parce qu'un jour, des choses dans ce genre vont se passer. Non pas au niveau extraterrestre, mais le fait même qu'un être nouveau se baigne dans une piscine, guérisse ceux qui se baignent avec, ce sont des choses qui vont de plus en plus être vivantes. Préparatoire. Si on regarde Rencontre du troisième type, préparatoire. Si on regarde E.T., préparatoire à la venue d'extraterrestres. Donc, on prépare l'humanité à accepter ces choses. Mais dans ces films, on essaie surtout de présenter les extraterrestres comme étant des êtres bons. Il faut faire attention, mais ça prépare. Si on regarde d'autres extraterrestres plus mauvais, V. Mais V est une vraie farce. Il y a, comme je disais à un moment donné, c'est F le nom du film, et non pas V. Dans La guerre des étoiles, on rencontre encore les énergies vitales, parce que présentement, l'intelligence supramentale, qui est de l'éthérique extraterrestre, va essayer d'exprimer, surtout dans ses instructions, la connaissance de l'éthérique planétaire, l'énergie vitale. Dans le film La guerre des étoiles, la force, c'est l'énergie vitale. Elle a donc toutes les facultés qu'on va enseigner dans ce film, et elle prépare l'humain à quelque chose de plus grandiose. Ésotériquement, on va demander à Luc sur quelle planète on est. Il lui répond, s'il y a un point central dans l'univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée. C'est tout à fait ésotérique. Tu es sur la planète qui en est le plus éloignée. Et c'est sur cette planète que va naître le dernier des Jedi. De ceux qui ont la faculté de contrôler l'énergie vitale, la force dans le film. Plus une planète est loin du centre de l'univers, plus elle est densifiée. La Terre est l'une des planètes les plus éloignées du centre de l'univers. Et dans ce film, ésotériquement, c'est ce qui est compté. Parce que c'est sur la planète Terre que l'humanité salvatrice de l'univers va sortir. À l'intérieur des forces noires, du Seigneur Noir, des forces impériales, de la robotique, des choses mentales, de tout ce qu'on peut avoir au niveau d'un mélange coloré avec l'ami de Luc, totalement astralisé, qui vient jouer du pistolet, avec tout, ce ramassis dans ce film où on parle d'une planète initiatique, Dagoda, ou Dagoba, avec le maître Jedi qui est tout à fait laid et abominable, pour instruire, encore une fois, que ce n'est pas le chevalier qui gagne ou qui a la connaissance, c'est toujours comme on ne s'y en attend pas. Avec cette région où il y a des forces vitales très puissantes, une région humide, donc, terrestre, lunaire, une région avec des arbres, de la mousse, où on peut manger, une planète perdue, une espèce de voyance, une télékinésie, et évidemment, les bons vont s'en sortir. Mais ce film instruit énormément l'humain sur les facultés inhérentes à l'être nouveau. Parce qu'évidemment, dans ce film, on parle des chevaliers Jedi. Certains PM sautés font des rapprochements encore une fois. Et À l'extérieur, non pas seulement dans le PMC, mais partout sur l'échelle de la planète, certains chevaliers Jedi ont tendance à naître. Pas dans cette terminologie, on parle de film. On prépare pour l'avenir tout en instruisant aussi l'humain. C'est-à-dire que, souvent, je dis ceci. La majorité d'entre vous ne peut pas comprendre, mais je ne le dis pas pour vous, je le dis pour préparer le terrain. C'est ça. Et c'est ce que les films font. Prépare le terrain. Donc, ils préparent. Ceux qui instruisent, instruisent ceux qui peuvent comprendre. Les films préparatifs ou préparatoires, même ceux qui ne comprennent pas, s'envoient préparer. Parce qu'aujourd'hui, si un extraterrestre apparaît, on est plus apte collectivement à l'accepter parce qu'il y a eu des films. Si un être nouveau apparaît et qu'il fait des choses tout à fait nouvelles, on va être de plus en plus apte à l'accepter. Parce qu'il y a eu les films. T'as d'autres films? Non. Si on regarde un film que tu as nommé, passe pas dans ta liste, je fais juste... Disons, j'aurais une question, c'est que préparatoire, il y a plusieurs films qui en ce moment sont faits qui montrent l'énergie vitale. Surtout. On commence à s'apercevoir que ce serait... très utile, disons, de parler de l'énergie vitale, de la compréhension de l'énergie vitale, de l'utilisation du mécanisme. L'énergie vitale ne serait pas une deuxième antenne pour capter l'énergie supramentale. L'énergie vitale, c'est ce qui permet la constitution du corps physique. C'est de l'énergie éthérique. Éthérique veut dire venant de l'éther. L'éther est divisé en deux. Dans le contexte planétaire, plan vital, dans le contexte extraplanétaire, plan supramental. Le corps éthérique, donc le corps de lumière, celui qui va créer le corps supramental, est aussi celui qui a créé le corps physique. Alors évidemment, celui qui réussit à travailler d'une façon plus vitale, plus en relation avec le plan vital, donc plus en relation avec les énergies naturelles, terrestres, belzébuciennes, est un être humain qui va avoir la faculté d'entrer en contact avec l'énergie supramentale beaucoup plus rapidement. Pour arriver à travailler contre Satan, contre les forces luciférienne, contre les forces d'involution, l'homme se doit obligatoirement de se créer un allié qui va être les forces belzébuciennes. Les forces qui manipulent la matière. Et tous les films qu'on a vus, ce sont des films qui, justement, prônent le fait que l'homme a un contrôle sur la matière, donc sur l'énergie vitale, que ce soit la force, que ce soit ce que vous voudrez, que ce soit Excalibur. Et ce contrôle va être... De toute façon, ce contrôle est de plus en plus développable, et il va être de plus en plus développé. La planète Terre est de plus en plus fatiguée pour la simple raison que l'énergie vitale terrestre qui constitue la Terre, qui constitue les plantes, les animaux, les hommes, les nuages, les oiseaux, les poissons, les insectes, la vie, est de plus en plus épuisée parce qu'il y a de plus en plus de pollution planétaire, ce qui fait que l'énergie vitale manque à l'humain dans son évolution, et c'est correct, c'est impeccable, l'homme a mauditement bien fait de polluer. Parce que polluant, l'homme a obligé les énergies belzébuciennes à se dynamiser vers les arbres. Pour que les arbres ne soient pas perdants au niveau des pluies acides, vers les poissons, vers les animaux, vers l'herbe, vers les déserts, vers l'air, vers les oiseaux, vers les nuages, vers tout, ce qui ôte énormément d'énergie vitale à l'humanité, alors l'humanité devient de plus en plus fatiguée. Et plus on est dans un cadre pollué industriel, plus il y a de fatigue, parce que plus l'énergie vitale de la place est canalisée pour pouvoir guérir la nature. Évidemment, les énergies belzébuciennes détestent l'homme. Alors l'homme doit devenir un extra-humain, un surhumain, un être nouveau, pour pouvoir être accepté comme allié avec les énergies vitales. Alors automatiquement, les énergies vitales vont pouvoir être densifiées chez cet être humain qui ne souffrira plus de fatigue, de maladie, etc., et qui aura la faculté plus facile d'entrer en contact avec les énergies éthériques extraterrestres, extraplanétaires. Présentement, l'humanité est de plus en plus fatiguée parce qu'il manque d'énergie vitale. Et les techniques, par exemple, que l'on enseigne au niveau PMC, ce sont des techniques qui amènent cette énergie vitale. Sauf que la personne qui pratique cette technique n'a pas de résultats fantastiques pour l'instant, pour la simple raison que dans son cheminement de PMC, elle n'est pas encore rendue au point où elle pourra travailler avec les énergies belzébuciennes. Alors, pour l'instant, à son insu, elle fait un peu d'équitation l'été. Elle fait un peu de survie dans le bois. Elle apprend des techniques ici. Elle entretient son corps physique. Simplement pour que lorsque l'alliage, l'alliance entre les énergies belzébuthiennes et la personne du PMC pourra être fait, cette personne doit totalement être en possibilité de le faire. Alors, la personne qui a un corps vital énorme, extrêmement énergisé, elle a la faculté d'entrer en contact avec un corps supramental et d'énergiser un deuxième corps pour vivre une bilocation cosmique et non pas une bilocation planétaire. Donc, si on parle d'énergie vitale, qui est, maintenant qu'on en parle, c'est en très grande relation avec le physique, ce qui fait que si on prend comme le Nazaréen, qui lui, on a dit qu'il avait un corps prêt à faire qu'est-ce qu'il a fait, on m'a dit son énergie vitale était... Correct. Elle était suffisamment haute. La preuve, savez-vous quand est-ce que votre corps vital va être correct? Pas quand vous allez cesser d'être fatigué. Quand vous allez avoir un autre problème. Votre corps vital va être prêt lorsque vous allez commencer, à votre insu, à opérer des guérisons à l'extérieur de vous. On devient surhumain lorsque le corps est capable de générer l'énergie vitale. Tu deviens un surhumain, donc un être nouveau, lorsque ton corps rayonne. Donc, lorsque ton corps génère lui-même une énergie vitale, automatiquement, cette énergie vitale va placer les autres en harmonie avec eux-mêmes, au niveau biologique et vital. Sans cela, l'homme n'est pas en harmonie avec les plans belzébuthiens, donc l'homme reste assujetti aux forces sataniques. De toute façon, lors de la deuxième partie, on va revenir sur ces énergies belzébuthiennes pour pouvoir expliquer de quelle façon le travail PMC, de quelle façon le travail de l'humain doit le diriger, veut pas vers cette alliance avec les énergies terrestres. Je regarde encore ici ta liste. Alors, le cristal magique, on parle donc d'évolution. Dune, on parle d'évolution. Le Seigneur des Anneaux, on explique l'évolution. Cocoon, on parle d'énergie vitale, ça va de soi. L'âge de cristal, on parle d'un phénomène préparatif, c'est-à-dire que dans ce film, l'humanité, après une guerre qui la détruit, s'enferme en l'intérieur d'immenses dômes et va vivre dans une société de cristal où, à 30 ans, on les tue pour les obliger à se réincarner dans des enfants neufs de façon à ce qu'on ait une population généralement du même nombre et une population toujours jeune. Alors, l'enfant, lorsqu'il naît, il a un cristal dans la main. Ce cristal, selon la couleur, détermine son âge. Et à 30 ans, on les tue. C'est un ordinateur qui dirige tout cela. Ça n'est pas évidemment une cristallisation d'avenir, ça ne se passera pas comme ça, mais c'est un film préparatoire à certaines choses. Et les personnes à 30 ans s'en vont dans un carrousel où ils se font désintégrer. Jusqu'à temps qu'on va prendre un limier, un policier qui a comme fonction de tuer les fugitifs, ceux qui veulent se sauver pour aller vers un sanctuaire où ils pourront vivre plus que 30 ans à l'extérieur du dôme, donc de cet âge de cristal, de toute cette ville conçue sous un dôme. Ce limier se fait colorer son cristal de façon à avoir 30 ans. Alors, lui, il se plaint à l'ordinateur qui vient de perdre sa ration de vie. Et alors, il demande s'il va pouvoir revoir sa ration de vie. L'ordinateur ne répond pas. Alors, il demande à l'ordinateur si les autres qui se sont réincarnés vont pouvoir l'aider. L'ordinateur ne répond pas. Alors, il demande carrément, est-ce qu'ils se sont réincarnés? L'ordinateur ne répond toujours pas. Il repose la question, l'ordinateur répond, il a déjà été répondu à ceci. Alors, il découvre qu'effectivement, il n'y a pas de réincarnation générée ou gérée par l'ordinateur. Ce fugitif, donc celui qui doit poursuivre les fugitifs pour découvrir le sanctuaire, pour le détruire, devient un fugitif. Il sort à l'extérieur et à l'extérieur, il découvre de quoi. Et ça fait penser surtout à une préparation où on va avoir tellement peur de l'apocalypse, où on va se constituer des endroits pour fuir l'apocalypse. À l'extérieur, il y a la nature, il y a l'eau, il y a les plantes, il y a les insectes. Et dans une ville, style Washington, il y a aussi un humain, un vieux, qui lui a connu ses parents et qui lui a vu des personnes qui sont enfuies. Alors, c'est un film préparatoire pour essayer d'expliquer l'absurdité de la fuite devant des choses qui, s'ils n'ont pas à te toucher, ne te toucheront pas. Celui qui s'enfuit dans la forêt, qui vit comme à l'époque de l'âge des cavernes pendant 20 ans, lorsqu'il sort du bois pour découvrir que la guerre n'a pas eu lieu, fait partie un peu de ce genre de film. La guerre des étoiles, on en a parlé. Le cercle de fer, c'est un film initiatique qui compte l'idée même que l'homme, au niveau du plan vital et au niveau des arts martiaux, lorsqu'ils sont entraînés, lorsqu'ils sont faits d'une façon intelligente, arrive toujours à se savoir. Alors, le film qui a été écrit par Lee Siu Long est un film qui devait porter le titre La flûte silencieuse. C'est un maître, donc, qui joue d'une flûte et que seul l'initiable peut entendre. Et ce bonhomme doit trouver un livre dans lequel tout est, dans lequel va être écrit tout le savoir de l'univers. Et après de moult périples, il arrive à ce livre après avoir traversé les forces sataniques et tout ça. Et dans ce livre, lorsqu'il l'ouvre, il découvre que chaque page est un miroir. Alors il se voit lui. C'est ça l'univers. Le Cercle du pouvoir, c'est un autre film qui est préparatoire au niveau psychologique. Le Maître du jeu, c'est un nouveau film qui vient de sortir. C'est un film drôlement manqué, mais qui explique un peu des choses qui vont être à vivre par certaines personnes du PMC au niveau de l'initiation par le feu. La guerre du feu, c'est un film drôlement psychologique sur l'évolution au début de la construction de l'ego psychologique chez l'homme. Le dernier des Starfighters, c'est un film préparatoire aussi. Retour vers le futur, c'est un film préparatoire. Jonathan Le Goéland, c'est un instructif au niveau spirituel. Il est bon, présentement, de revoir ce film avec des yeux mentaux, parce que ça nous permet de voir de quelle façon Dieu manipule l'humain. La forteresse noire, c'est une explication des mécanismes sataniques au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a créé le Troisième Reich. Bandit, amusante perspective de la création de Satan par Dieu. Android, on passe. Poltergeist, explication des forces vitales encore, des forces de possession. Et l'exorciste, encore une fois, on est au niveau des forces vitales, donc des forces de possession. Kung Fu, force vitale, contrôle. Indiana Jones. Les aventuriers de l'âge perdu et Indiana Jones et le temple maudit, c'est simplement un film préparatoire qui enseigne que lorsque l'être humain ne veut pas abandonner, tout peut lui être permis. Le film est coloré, mais le gars lâche jamais et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on en rit. On va arrêter, on va prendre l'arrêt, une vingtaine de minutes. Pour ceux qui auraient des questions, préparez-les, venez les déposer ici, sur la table.